Israel. Préparer le peuple d'Israël. For the midnight hour. Pour l'heure de minuit. In the book of Exodus, chapter 12. Dans le livre d'Exode, chapitre 12. He prepared them for the midnight hour. Il les a préparés pour l'heure de minuit. And these things were written in your Bible. Et ces choses étaient écrites dans votre Bible. That they may be there as an example to you. Pour que soit là comme un exemple pour vous. That you too, if you follow these things. Afin que vous aussi, si vous suivez ces choses. Then you will see the kingdom of God. Alors vous verrez le royaume de Dieu. Exodus 12. Exode 12. Come with me, there, precious people. Allez avec moi là-bas, précieux peuple. We're going to read only 1, 2, 3 scriptures. Scriptures here. Only une ou deux fois d'écriture là. Verse 5, Exodus 12. You can read the whole Exodus 12 at home. Vous pouvez lire tout Exode à la maison. But for time, we are reading verse 5. Pour le temps, nous lirons les versets 5. And he said, et puis il dit, the animals you choose must be year old males without defect. Ce serait un de Jacob. Tell them this is how they are to prepare for the midnight hour. Dites-leur comment ils doivent se préparer pour l'heure de minuit. When it comes to the midnight hour, quand c'est l'heure de minuit, they must now, ils doivent maintenant, take a lamb without defect. Ils doivent prendre un agneau sans défaut. Because when it comes to midnight hour, parce que quand c'est l'heure de minuit, nothing else matters to me anymore. Il n'y a plus rien qui est important pour moi. Oh Lord, I used to dance in the worship. Oh Seigneur, j'ai dansé à l'équipe de loi. That does not matter to me anymore. Ça, ce serait plus important pour moi. Oh Lord, I used to go to the radio station to preach. Oh Seigneur, j'allais au métro pour prêcher. That does not matter anymore. Ce n'est plus important. Oh Lord, you know, I used to be persecuted for you. Oh Seigneur, j'étais persécuté pour toi. That does not matter anymore. Ce n'est plus important. Oh Lord, you remember how I used to wake up at 4 to pray to you. Tu te rappelles, je me réveillais à 4 heures pour prier pour toi. That does not matter anymore. Ça sera plus important à cette heure-là. But he said, mais il dit, when it comes to the midnight hour, quand ça vient à l'heure de minuit, when I am going to come and steal them, quand je viendrai pour les voler, I am going to come and steal the house of Jacob. Je viendrai pour voler la maison de Jacob. For I can bring judgment to the God of Egypt. Afin que j'amène un jugement sur le Dieu des Égyptiens. What will matter? Ce qui sera important is only the blood of the lamb. Seulement le sang de l'agneau. Only the blood of the lamb will matter. Seulement le sang de l'agneau sera important à cette heure-là. The lamb without defect. L'agneau sans défaut. And he told Moses. Il a dit à Moïse. Tell them to slaughter the lamb. Dis-leur d'immoler l'agneau. Sacrifice the lamb. De sacrifier l'agneau. And take the blood. Et de prendre le sang. And put on the door frame and the doorpost. Et de mettre sur le poteau de la porte. And he says. Et dit. When the midnight hour strikes, quand l'heure de minuit va frapper, and I see the blood of the lamb, et quand je verrai le sang de l'agneau, hallelujah, did you hear me? Écoutez-moi. You did not hear me. Vous m'avez pas écouté. When the midnight hour arrives, quand l'heure de minuit arrive, and I see the blood of the lamb, et quand je verrai le sang de l'agneau, hallelujah, hallelujah, I will redeem my people. Je rachèterai mon peuple. My people. Mon peuple. I will take my people. Je vais prendre mon peuple. And he gave other instructions also. Il a donné d'autres instructions aussi. That at midnight hour. Que à l'heure de minuit. When the midnight hour is near. Quand l'heure de minuit approche. I know they were in slavery. Je sais qu'ils étaient dans l'esclavage. The Israelites were brought up in slavery in Egypt. Les enfants d'Israël étaient amenés à l'esclavage en Égypte. And so in Egypt, alors en Égypte, when you are a slave family, quand vous êtes une famille esclave, so it is in Africa. C'est ainsi comme en Afrique. That means you are working for food on a daily basis. Ça veut dire que vous travaillez pour la nourriture chaque jour. And they were working for bread every day. Ils travaillaient pour le pain chaque jour. They were being beaten very harsh. On les frappait durement. To build the pyramids. Pour bâtir les pyramides. They are the ones who build the pyramids. Ils sont ceux qui ont bâti les pyramides. But they were suffering. They took the suffering. Mais ils étaient souffrants. Ils ont pris la souffrance sur eux. They said, let me just be beaten by this man. Ils disaient, laisse-moi être frappé par cet homme. And he said, but don't throw me away. It's okay. I promise tomorrow will be better. Non, demain je ferai mieux. Because they knew they had a family to bring bread to. Parce qu'ils avaient, ils savaient qu'ils avaient une famille à qui devait amener du pain. So they took their abuse. Alors ils ont pris leurs habits. And in a slave family, dans la famille esclave, you know that bread for me, I didn't even know the taste of bread by the way. Moi je ne connaissais même pas le goût du pain. So anyway, so when he brought bread at home, quand il amène le pain à la maison, the whole family has to sit. La, toute la famille doit s'asseoir. And so you want to break a piece. Tu vas couper un morceau and look at the plate, et regarder au plat, look at his face, regarder à la face, and say, I give you this, I'm coming back to you. Il dit, je te donne ça et je vais revenir à toi. Look, look what I'm coming back to. Et t'inquiète pas, je vais revenir à toi. I might come back another round. Je vais faire un autre tour. And so there is that kind of poverty. C'est ce genre de pauvreté. And so they worked for bread. Alors ils travaillaient pour le pain. And they suffered. Ils ont souffert. And so when Moses came, alors quand Moïse est arrivé, and said, il a dit, that the Lord says, et le Seigneur a dit, that when it comes the midnight hour, quand c'est l'heure de minuit, you must eat bread without yeast. Vous devez manger le pain sans levain. They panicked. Ils ont paniqué. In fact, they trembled. Ils ont tremblé. Because there are times where so much used to bread with yeast. Parce que là, l'homme était habitué avec le pain avec le levain. In fact, they worked for it on a daily basis. Parce, they labored. Parce qu'ils ont travaillé chaque jour pour avoir ce pain-là. And they were aware of the taste of bread without yeast. Et ils ne connaissaient pas le goût du pain sans levain. In fact, they knew that bread without yeast has no taste. Ils savaient que le pain sans levain n'avait pas de goût. And they did not want it. They said, no, no, we don't want it. Ils ne voulaient pas, ils disaient, non, non, nous ne voulons pas de ça. But the Lord said, mais le Seigneur dit, that when it comes to 11:59 p.m. quand cela est 23h59, you must tell them, tu dois leur dire, the time has come, que l'heure est venue, to remove the yeast from the bread, d'enlever la levure du pain. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? Hallelujah. Alléluia. Listen to this. Écoutez ceci. The Lord, le Seigneur, when he showed me that clock, that is 1 minute midnight. Quand il m'a montré cette horloge, quand il était 1 minute avant minuit. And he sent me to France. Il m'a envoyé en France. This is the message he wants me to give you. Ça c'est le message qu'il voulait que je vous donne. He wants me to tell you. Il veut que je vous dise. That it will now not matter anymore. Il veut que vous sachiez que maintenant, peu importe ce qui s'est passé. Anything and everything you have done as a Christian. Peu importe ce que vous avez fait en tant que chrétien dans votre passé. But the only thing that will now matter. Ce qui va compter maintenant cette heure-ci. Is that you be covered by the blood of the Lamb. Que vous soyez couvert par le sang de l'agneau. The blood of the perfect Lamb of God. Le sang de l'agneau parfait de Dieu. The blood of the Lamb without defect. Le sang de l'agneau sans défaut. And we know as a church. Et nous savons en tant qu'église. That for us as a church. Et pour nous en tant qu'église. The Lamb of God without defect. L'agneau de Dieu sans défaut. Is the Jesus of Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Read with me John chapter 1 verse 29. Lisez avec moi Jean chapitre 1 verset 29. John chapter 1 verse 29. Jean chapitre 1 verset 29. The next day John saw Jesus coming towards him and say, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, look, the Lamb of God, voici l'agneau de Dieu, who takes away the sin of the world, qui ôte le péché du monde. For us as a church, pour nous en tant qu'église, Jesus is the Lamb of God. Jésus est l'agneau de Dieu. And that means when the midnight hour comes, ça veut dire que quand l'heure de minuit arrive, the Lord has sent me to France, le Seigneur m'a envoyé en France, to tell the Church of Christ in France, pour dire à l'église du Christ en France, that stop everything you've been doing, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, to tell the pastors in France, je suis un pasteur en France, that stop everything you've been preaching, arrêtez tout ce que vous êtes en train de prêcher, time has come, l'heure est venue, to come on the sheep with the blood of Jesus. Avec le sang de Jésus. To cover the church with the blood of Jesus. Avec le sang de Jésus. Because when the midnight hour comes, quand l'heure de minuit arrive, everything else will not matter. Le reste des choses ne seront plus importantes. It will not matter what car you drive. Ce sera plus important quelle voiture vous conduisez. It will not matter what job you have. Ce sera plus important quel travail vous faites. It will not matter how much money you earn. Ce sera plus important combien d'argent vous avez. It will not matter what passport you hold. Ce sera plus important quel passeport vous avez. It will not matter what name is your country. Quel est le nom de votre pays. It will not matter whether you are a woman or a man. It will not matter whether you are a pastor or you are a sheep. It will not matter how many friends. you have, it will not matter how many people you have led to Jesus. It will not matter how many you have delivered. It will not matter how many you have led healing to reach. But what will matter is that you be found covered with the blood of Jesus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Why has the church in France? Pourquoi est-ce que l'église en France? Forgotten the cross very quickly. A vite oublié la croix. Forgotten the blood at Calvary very quickly. A vite oublié le sang de la croix. Now look. Maintenant regardez. You went to the gospel of prosperity. Vous êtes allé à l'évangile de la prospérité. You brought prophets here who tell you about you are going to get a new car, vous avez a new home. Ici, vous disent, vous allez avoir une nouvelle voiture. You are going to get married. I see a young girl coming to you. Vous allez avoir un mariage. Je vois une jeune fille venir à vous. I see a young man coming to you. You are going to get married next year. Vous allez vous marier l'année prochaine. Je vois un jeune homme venir vers vous. Why have you forgotten the blood and the cross so soon? Pourquoi avez-vous oublié le sang et la croix aussi vite? Now look. Regardez maintenant. It has come back. Ça revient à nouveau. And it is the most important. Et c'est le plus important. Make sure you are covered by the blood of Jesus. Soyez sûr que vous êtes couvert par le sang de Jésus. But why would God Almighty, pourquoi est-ce que le Dieu Tout-Puissant, who gave us Jesus, qui nous a donné Jésus, why would he send me to France, pourquoi m'enverrait-il en France, to tell the church, pour dire à l'église, that she be covered by the blood, qu'elle soit couverte par le sang, the church of Christ, l'église du Christ, why would he tell me to tell her to be covered by the blood, pourquoi est-ce qu'il va me dire de qu'il doit se couvrir du sang, that is supposed to be automatic, ça devrait être automatique. That is, God has watched the church. Ça veut dire que Dieu a regardé l'église over the centuries. Au travers des siècles. And he has seen. Il a vu. That she is acting. En fait, elle est en train d'agir. As though she is not covered by the blood. Elle est en train d'agir comme si elle n'est pas couverte par le sang. We know that the blood of Jesus is one sacrifice. Nous savons que le sang de Jésus est un seul sacrifice. It is one ultimate sacrifice. C'est un seul sacrifice ultime. And there will not be another Calvary. Et il n'y aura pas un autre calvaire. That means, ça veut dire, God has seen, Dieu a vu, that in France, qu'en France, you have abused the blood of Jesus. Vous avez abusé du sang de Jésus. Because we know, parce que nous savons, that the blood of Jesus has power, que le sang de Jésus a la puissance, to transform anybody, anybody, de transformer n'importe qui, n'importe quelle personne. It does not matter what you have done, whether you have killed or what, a person, you have said from day to day, anybody, anybody, n'importe qui, whether you have just walked out from jail, whether you are still in jail, même si vous êtes encore en prison, the blood of Jesus has power. Le sang de Jésus a la puissance to transform your character, de transformer votre caractère, to transform your identity, pour de changer votre identité. And that's why he sent me to you. C'est pourquoi il m'a envoyé à vous. He said, "Hey, run to them." Il a dit, "Hey, go vers eux." They're going to miss the wedding. Ils risquent de manquer les noces. I see them dancing in the house. Je les vois un peu les danser dans la maison. But tell them that will not check them very far. Dites-leur que cela ne les amènera pas loin. Run, I see as if they are not covered by the blood. Cours, parce que je vois comme s'ils ne sont pas couverts par le sang. Because when they were out, they were in sexual sin. Parce que quand ils étaient dehors, ils étaient dans le péché sexuel. And I see they have entered my house, they are still sitting there with sexual sin. Ils sont rentrés dans ma maison, ils sont assis là-bas, toujours dans le péché sexuel. I can see they have not been transformed. Je vois qu'ils ne sont pas encore transformés. The blood, they are not covered by the blood. Les sangs, non, ils ne sont pas couverts par le sang. The blood of my son is so tremendous, it will change somebody, change your identity. Le sang de mon fils est tellement extraordinaire, ça doit changer leur identité. Such that when you enter here, quand vous rentrez ici, and receive the Lord, que vous recevez le Seigneur, and you go back to work after 1 week, et que vous retournez au travail une semaine après, even the next day, même le même jour, and the people in your workplace, et les gens de ton travail vont Wow, ils vont dire wow. What happened to you today? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi aujourd'hui? You are full of joy and light. Tu as la lumière et tu es plein de joie. We see so much light in you today. Nous voyons plus la une grande lumière en toi aujourd'hui. You are just happy today. You are not the same gloomy one every day. Tu es rempli de joie aujourd'hui. Tu n'es plus comme tu étais avant attristé. Then she says, alors elle va dire, have you heard about the Jesus of Nazareth? Avez-vous entendu parler de Jésus de Nazareth? Did you hear about him? Avez-vous entendu parler de lui? Yes, I have. Yeah, oui, j'ai entendu parler de lui. I took him yesterday. Je l'ai reçu hier. He has power. Il a le pouvoir to transform the drug addicts. De transformer ceux qui sont dans l'addiction de la drogue. To clean them in the house. De les purifier dans la maison. He has power. Il a la puissance to transform the sexually immoral. De changer ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle. Until they become the daughters of God Almighty. Jusqu'à ce qu'elles deviennent les filles du Dieu Tout-Puissant. Until they become the sons of God. Jusqu'à ce qu'ils deviennent les fils de Dieu. He has power. Il a le pouvoir to transform the prostitutes. De transformer les prostituées. Until they become the children of light. En fait, jusqu'à deviennent les filles de la lumière. How come you're not transformed? Comment est-ce que vous n'êtes pas transformé? The same dressing you had in the world, I see you wearing them. La même façon de s'habiller que vous avez dans le monde, vous continuez avec cela dans l'église. But there is something I must say in this church. Mais il y a quelque chose que je dois dire à cette église. I want to say something. Je dois dire quelque chose. This church, I love you with the love of Christ. Cette église, je vous aime de l'amour du Christ. The way I see you dressed in clothes for the Lord. La manière dont je vous ai vu être revêtu pour le Seigneur. The uniform I see you wearing. Les uniformes dont vous êtes habillé. That is how the primitive church was. C'est ainsi qu'était l'église primitive. It was about Jesus. C'était au sujet de Jésus. They went out of their way to separate. Ils sont sortis et se sont séparés des autres. And they dressed for him. Et ils s'habillaient pour Jésus. And they had fear of him. Et ils avaient la crainte de Jésus. And they knew him. Et ils l'ont connu. They knew Jesus of Nazareth. Ils ont connu Jésus de Nazareth. And so they walked and lived for the Lord. Alors ils ont marché, ils ont vécu pour Jésus. Listen to me, precious people. Écoutez ma précieux peuple. The Lord is asking the church today. Le Seigneur demande à l'église aujourd'hui to be covered by the blood of the Lamb. D'être couvert par le sang de l'agneau. Make sure that you are covered by the blood of Jesus. Soyez sûr que vous êtes couvert par le sang de Jésus. Make sure in everything you do. Soyez sûr dans tout ce que vous faites. If you were out in the Eastern religion, si vous étiez dehors dans la religion orientale, in the idol religion, dans la religion idolâtre, there is no way you can continue in idolatry in the church. Vous ne pouvez pas continuer dans l'idolâtrie dans l'église. Alléluia. Alléluia. He told the house of Jacob. Il a dit à la maison de Jacob. Only the blood of the Lamb. Seulement le sang de l'agneau. Make sure you are covered by the blood of the Lamb. Soyez sûr que vous êtes couvert par le sang de l'agneau. And then the other thing is eat bread without yeast. L'autre chose c'est de manger le pain sans levure. Today, when you look at the Church of Christ in France, aujourd'hui quand vous regardez l'Église du Christ en France, the Church of Christ in Europe, l'Église du Christ en Europe, what do you see in the church? Ce que vous voyez dans l'Église, the Christians in Europe, les chrétiens en Europe, the church is you Christians. L'Église c'est vous les chrétiens. They are eating bread with yeast. Ils sont en train de manger le pain avec levure. So much yeast. Il y a tellement de levure. Ah, the Bible says we must drink a little for the stomach. Non, la Bible dit qu'on doit boire un peu à cause de l'estomac. And you say, stop drinking, my daughter, stop drinking. Arrête de boire, ma fille. No, you see, we must continue drinking. No. Because, you know, we are a modern church. Nous devons continuer à boire parce que nous sommes une église moderne. My daughter, please, those meetings you on Friday night, stop drinking alcohol. Ma fille, s'il te plaît, ces réunions de vendredi soir, arrête de boire, arrête de boire. We have become a modern church. Nous sommes devenus une église moderne. So we even drink beer. Nous buvons même la bière. We even drink alcohol. Nous buvons même l'alcool. The wine. Le vin. This is France. Ça, c'est la France. There is so much drinking of wine. Yes. Tellement de vin qu'on boit ici. Many people drink wine here and there without caring. Beaucoup de gens ici boivent le vin ici et là-bas sans se soucier. There is immorality everywhere. Il y a l'immoralité partout. Please, s'il vous plaît, be covered by the blood of the Lamb. Soyez couverts par le sang de l'agneau. And let us remove everything that is yeast. Et enlevons tout ce qui est levain dans le pain. From our lives. De notre vie. That is the meaning of the clock that is 1 minute to midnight. Ça c'est le sens de l'horloge qui est 1 minute avant minuit. Let me share with you a Hebrew secret. Laissez-moi partager avec vous un secret hébreu. In Israel, en Israël, God gave Moses a command. Dieu a donné un ordre à Moïse. And in that command, dans cet ordre-là, He told him to tell the house of Jacob. Il lui a dit de dire à la maison de Jacob. To make sure, d'être sûr, that they always observe the feast of Passover. Qui continue à observer la fête de la Pâque. The feast of Passover. La fête de la Pâque. And he said, make sure they observe as a lasting ordinance. Ils observent cela comme une ordonnance perpétuelle. Lasting, which means lasting covenant with God. Ça veut dire une ordonnance, une alliance perpétuelle avec Dieu. Why did God tell Israel to do that? Pourquoi Dieu a dit à Israël de faire cela? Because he knew he was taking them to the land of milk and honey. Parce qu'il savait qu'il les amenait à un pays où coulait le pain, le lait et le miel. In other words, the land of prosperity. En d'autres mots, le pays de prospérité. They are going to have private aeroplanes. Il y aura des avions privés. They are going to have the best medical system in the world. Il y aura le meilleur système médical. The best engineer in the world. Les meilleurs ingénieurs dans le monde. The best software engineer in the world. Les meilleurs ingénieurs des logiciels dans le monde. In fact, the best aerospace engineer of the world. Les meilleurs ingénieurs d'aérospatial dans le monde. The best economy of the world. La meilleure économie dans le monde. He knew that. Il savait cela. And he knew that those things can easily make you forget where God removed you from. Et il sait que ces choses peuvent facilement te faire oublier d'où tu es appris. So he said, make sure as a lasting ordinance, observe this. Et pourquoi il a dit, comme une ordonnance perpétuelle, observez la fête de Pâques. When I was in Israel, I told you for 7 years I was there. Quand j'étais en Israël, je vous ai dit que je suis allé en Israël pendant 7 ans. And I did not know the Lord took me there so He can call me from there. Je ne savais pas que le Seigneur m'avait amené là-bas afin qu'il puisse m'appeler de là-bas. But anyhow, I found out je me suis rendu compte que something that shocked me. Quelque chose qui m'a choqué. Every time the Pesach, they call it Pesach. Chaque fois qu'il arrive le temps de la Pâque, ils appellent ça Pesach. When Pesach was about the time to observe the feast of Passover was near. Quand le temps d'observer la fête de la Pâque arrivait, I used to cry. Je commençais à pleurer. Because I knew, parce que je savais, that there would be no bread in the shops. Je savais qu'il n'y aura pas de bread dans les boulangeries. Because there would be what we call matzah. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle massa. It is, they made it in flat with ridges. Parce que c'est une farine qu'on met. With stripes, they make it with stripes. It is like a piece of wood. Tap, you break it, no taste. C'est très dur, c'est plat. Et quand vous goûtez, ça n'a pas de goût. And they observe it for 1 week. Et vont observer comme ça pendant une semaine. But what made me cry more? Et ce qui m'a fait le plus pleurer. Was the fact that I did not have a ship on the ocean, my own ship. Parce que je n'avais pas de bateau dans l'océan pour moi-même. I always longed for a big ship of my own. J'avais toujours envie d'avoir un grand bateau pour moi-même. Why? Pourquoi? Because when they were preparing for the Passover. Quand ils se préparaient pour le temps de la Pâque. You walk near the garbage dump. Quand vous passez à côté de la grande poubelle. You find new laptops, don't you? Computers have been thrown. Vous allez voir qu'ils ont jeté des nouveaux ordinateurs. You find very nice new sofas have been thrown. Des nouveaux logiciels jetés. New microwaves have been thrown. Les nouveaux micro-ondes étaient jetés. New ovens have been dumped. Les nouvelles fours étaient jetées. Nice clocks thrown. Les belles montres étaient jetées. Big TVs thrown on the garbage. Les grands télévisions étaient jetés à la poubelle. And I said, Lord, I wish I had my own ship. Je disais, Seigneur, je souhaiterais avoir un grand bateau pour moi-même. I would load it and I would head towards Kenya. J'allais remplir mon bateau avec ces choses et amener ça au Kenya. And I would have things in my house. Et j'aurais beaucoup de choses chez moi. And I asked some of the professors there. J'ai demandé à l'un des professeurs là-bas. Excuse me. Je dis, excusez-moi. What is this? Ça veut dire quoi ça? Why are you asking these things good things? Est-ce que ces choses ne sont pas bonnes? Why are you throwing them? Pourquoi vous les jetez? And then he said, alors il dit, oh, oh, For us in the Jewish culture, pour nous dans la culture juive, we were given instruction by Jehovah. Jehovah nous a donné une instruction. That when the Passover is coming, quand le temps de la Pâque arrive, anything in your house, n'importe quelle chose dans ta maison, it does not matter how expensive it was, peu importe le prix que cela a coûté, it does not matter how new it is, peu importe si c'est nouvelle ou nouvelle chose ou pas, for as long as it touches you, si ça touche la levure, you have to throw it out, tu dois jeter ça dehors, before the midnight hour, avant que l'heure de minuit arrive. Whether it was a TV in the kitchen, même si c'était une télévision dans la cuisine, and you know the Jewish mother likes baking bread, et vous savez que les femmes juives aiment faire le pain dans la cuisine, and so a lot of yeast goes to the TV, to the sofas, and to the computers in the kitchen. Les levures sont allées dans les télévisions, dans les sofas, dans les ordinateurs, dans la cuisine. Everything to the garbage. Chaque chose doit être jetée dans la poubelle. And he told me, alors il m'a dit, that for us, then he said, but that's too much money. J'ai dit, mais ça c'est beaucoup d'argent. And he said, but for us, the Jewish people, dit, mais pour nous, les peuples juifs, we don't look at it that way. Nous ne regardons pas cela de cette façon. We look at it, nous regardons cela as an opportunity, comme une opportunité to start anew, de renouveler, de commencer à nouveau. Anything, peu importe la chose, that touch yeast, toute chose qui a touché la levure, out to basura, to the garbage. On doit jeter ça dans la basura, dans la poubelle. So it is in the Church of Christ in France. Est-il pour l'Église du Christ en France? That's why he has sent me here. Je peux m'envoyer ici. That the midnight hour is near. Que l'heure de minuit est proche. Anything in your life, n'importe quelle chose dans votre vie, that came in contact with you, qui était en contact avec la levure, however precious, peu importe le prix de cela, however new, peu importe que c'est nouveau, however expensive, peu importe que c'est trop cher, listen to me, écoutez-moi, out to the garbage, jetez ça dans la poubelle. It does not matter anymore. Ça n'a plus d'importance maintenant. Anything in your life, et n'importe quelle chose dans votre vie, anything in your life, n'importe quelle chose dans votre vie, begin to examine your life, commencez à examiner votre vie. Listen to me, the Church of Christ in France, écoutez-moi, l'Église du Christ en France, I have been sent here, j'ai été envoyé ici, by the Father of Christ, par le Père du Christ, by Jehovah Yahweh, par Jehovah Yahweh, by the God of Israel, par le Dieu d'Israël, he has sent me here, il m'a envoyé ici, to tell you, de vous dire, to remove the yeast from your life. La levure, la levure de votre vie. Yeast is corruption. La levure, c'est la corruption. Yeast is infection. La levure, c'est l'infection. Yeast is inflammation. La levure, c'est l'inflammation. Yeast is corruption, swollen. C'est l'inflammation, c'est la corruption. You see, when you put a little yeast in the bread, it swells. Quand vous mettez un peu de levure dans la farine, ça gonfle. Yeast is tasty to the flesh, the tongue. La levure, ça du goût pour la langue. Let us go back to the bread that has no taste to the flesh. Retournons à le pain qui n'a pas de goût pour la chair. The pastors today in France, les pasteurs aujourd'hui en France, they are preaching a gospel that is sweet to the tongue. Ils prêchent l'évangile qui est très agréable à la langue. It is sweet to the flesh. C'est agréable à la chair. And they love it. Et ils aiment cela. And they tell you, ils vous disent, you are not anointed until you have a private aeroplane. Vous n'êtes pas assez loin jusqu'à ce que vous avez un agent privé. You are not anointed until you have a big car. Vous n'êtes pas loin à moins que vous ayez une belle voiture, une grande voiture. And they tell you in that gospel, ils vous disent dans cet évangile, that as a Christian you should be waiting for the financial wealth transfer. En tant que chrétien, vous devez vous attendre à un transfert financier dans votre corps. In that gospel, they tell you, dans cette machine, on vous dit, that you know we are kings, because Jesus is the king of kings, so we are kings. Vous savez, nous sommes des rois, parce que Jésus est le roi des rois. And yet I know that me, I'm a slave of the Lord. Alors que moi, je sais que je suis un esclave du Seigneur. How can I be a king when he is a king already? Comment est-ce que je peux être un roi alors que lui est déjà le roi? I have to be a slave so he can be the king. Je dois être un esclave pour qu'il soit le roi. Remove the yeast. Enlevez la levure. If the yeast is the minister, burn it. Si la levure c'est le ministre, if the yeast is that disco you escape in the night to go to, stop it. Si la levure, c'est cette disco que vous avez promis d'aller voir la nuit, arrêtez cela. If the yeast is that alcohol that you once in a while you steal to drink, stop it. Si la levure se fait cet alcool que tu as l'habitude de boire, alors stop cela. If it is the movies that you watch, stop it. Si c'est le film que tu regardes, arrête cela. How can an immoral man in Hollywood run your life? Comment un homme immoral de Hollywood peut conduire votre vie? And you, I saw in the movie, so I must try it. Alors j'ai vu ça dans le film, alors je dois essayer cela. Why don't you allow the man, the person of the Holy Spirit, to run your life? Pourquoi vous ne permettez pas à la personne du Saint-Esprit de conduire votre vie? If it is that marijuana you are testing, stop it. Même si c'est que vous avez essayé, arrêtez cela. The man, marijuana. Le marijuana, le genre. When the Holy Spirit comes to your life, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, don't you see me always laughing here? N'est-ce que vous ne voyez pas la télévision tout le temps ici? You will be so high. Vous serez tellement élevé. There is no other high higher than that. Il n'y a pas une élévation plus grande que celui-ci. When the Holy Spirit comes to your life, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, you will just sit and have joy. Vous serez là assis dans la joie. At times I can sit and weep. Il y a des moments où je peux m'asseoir et pleurer. And you just realize how much there is peace and joy. Je réalise seulement combien il y a paix et la joie dans mon cœur. And accomplishment. Et il y a l'accomplissement. And job satisfaction. Il y a une satisfaction du travail. This kind of job, ce genre de travail, has the highest job satisfaction. C'est un travail qui a une satisfaction supérieure. There is no better. Il n'y a pas mieux que ça. Remove the yeast. Enlevez la levure. Go to your closet tonight. Allez dans votre garde-robe ce soir. Where you put your closet. Là où vous mettez vos habits. And start removing the yeast. Commencez à enlever la levure. Go to your homes today. Allez dans votre maison ce soir. And go to the fridge. Allez dans le frigo. And start throwing out the yeast. Enlevez la levure qui est dans votre frigidaire. That's called beer out. Out. Yeah. Dehors. Go to your TV channels. Allez dans votre chaîne de télévision. And take a piece of paper. Et prends une liste de papier. Go to the next and write down the yeast. Next, write down the yeast. Écrivez toutes les levures. Next, write down the yeast. Après ça, écrivez la levure. Next channel. La prochaine chaîne. And call the cable provider. Et appelez la chaîne de câble. Call the cable provider. Appelez les équipes donnent la télévision. Tell him, please listen to me and very carefully. Dites à cette compagnie, s'il vous plaît, écoutez-moi. Can you please shut down the following channels? Est-ce que vous pouvez enlever pour moi toutes ces chaînes ici? Go to your workplace. Allez à votre lieu de travail. And go to that woman that has been laughing at you. Allez voir cette femme qui vous convoitait au poste de travail. And pull her near. Tell her, please, can you come and share something with you? Appelle-la de côté, est-ce que tu peux me dire quelque chose à partager avec toi? I am born again. Dis-lui, je suis né de nouveau. And also married. Et je suis aussi marié. In a Christian marriage. Et dans un mariage chrétien. Please leave me alone. S'il vous plaît, laissez-moi de côté. Alléluia. That is what the Lord meant in Amos chapter 9. C'est ce que Dieu veut dire dans Amos chapitre 9. Verses 11 to 12. Verset 11 à 12. When he said, in those days I will return. Quand il dit, dans ce jour je viendrai. And restore David's fallen tent. Et je vais restaurer les tentes qui sont tombées, les tentes de David. And restore the church. Et je vais restaurer l'église. And make it as it used to be. Et de les rendre comme cela avait été avant. Do you remember the primitive church? Vous vous rappelez l'église primitive? Where Paul was preaching. Quand Paul prêchait. Where Peter was preaching. Quand Pierre prêchait. Where John was an apostle. Quand Jean était un apôtre. Where John was jailed. Quand Jean était pris en prison. And yet he received revelation in jail. Alors il a reçu l'Apocalypse dans la prison. They walked Christ. Ils ont marché Christ. They lived Christ. Ils ont vécu Christ. They preached Christ. Ils ont prêché Christ. They testified Christ. Ils ont témoigné Christ. And when they ate Christ. Quand ils ont mangé Christ. And when they went to sleep. Et quand ils sont allés dormir. They slept Christ. Ils ont couché Christ. And they dreamt Christ. Ils ont rêvé Christ. When they woke up. Quand ils se sont réveillés. They woke up Christ. Ils se sont réveillés Christ. Where is the church in France? Où est l'église en France? Who is preaching Christ? Qui est en train de rêver Jésus? Who is preaching Christ? Qui est en train de prêcher le Christ? Who vivre le Christ. Oh, you see, we live in Paris. Oui, vous savez, nous vivons à Paris. We live in Paris. Nous vivons à Paris. We are modern people. Nous sommes des gens modernes. He remembers the primitive church. Il se rappelle l'église primitive. And yet he promised that the latter anointing would be higher than the primitive anointing. Il a promis que l'onction de la vieille saison sera plus grande que la première. Let us remove yeast. Enlevons la levure. And you see, he said they must eat the bread with bitter heart. Et il a dit vous allez manger le pain avec l'herbe amère. Listen very carefully now. Écoutez attentivement maintenant. The bitter heart, l'herbe amère. What is it that it was supposed to do to them? Qu'est-ce que cela devait faire à ces gens? When I sit in Israel at the Pesach dinner, cena table. Quand j'étais en Israël dans le temps de dîner pour la Pâque. They call it cena. Ils appellent ça cena. The most important dinner. C'était un dîner très important. And I see they give me bitter herb also. J'ai vu qu'ils m'ont donné aussi l'herbe amère. With some matzah. Avec un peu de pain matzah. And you eat it, it's bitter. Quand tu manges cela, c'est vraiment amer. Amargo, it's bitter. C'est amer, c'est pas bon. That is meant to remind them. Ça devait les rappeler. Of where God removed them from. D'où Dieu les a pris. The bitterness of slavery. La souffrance de l'esclavage. Lest they may forget. L'amertume de l'esclavage, tu ne puisses pas oublier cela. How come the church is quick at forgetting where Jesus removed her from? Pourquoi est-ce que l'église est vite à oublier où le Seigneur les a pris? The book of Matthew 25, precious people. Matthew 25, precious people. Jesus talked about the rain and cloud. This is what he says. Verse 1 to verse 13. Verse 1 à 13. Jesus is talking about the rain and cloud. Jesus is talking about the rain. He says, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 of them were foolish and 5 were wise. 7 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. The wise, however, mais les sages prirent, took oil in jars along with their lamps. Prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. The bridegroom was long time in coming. Comme le coup tardait, and they all became drowsy and fell asleep. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. At midnight, au milieu de la nuit, they cried rang out. On cria. Here is the bridegroom. Come out to meet him. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Verse 7. Verset 7. Then all the virgins woke up. Alors tous ces vierges se réveillèrent. And trimmed their lamps. Et préparèrent leurs lampes. The foolish ones said to the wise. Les folles dirent aux sages. Give us some of your oil. Donnez-nous de votre huile. Our lamps are going out. Car nos lampes s'éteignent. No, they replied. Les sages répondirent non. There may not be enough for both us and you. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Instead, go to those who sell oil. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. And buy some for yourselves. Et achetez-en pour vous. Verse 10. Verset 10. But while they were on their way to buy oil, pendant qu'elles allaient en acheter, the bridegroom arrived. L'époux arriva. The virgins were ready. Celles qui étaient prêtes went in with him. Entrèrent avec lui to the wedding banquet. Dans la salle des noces. And the door was shut. Et la porte fut fermée. And he says, verse 11. Plus tard, et verset 11, il dit. Later, the others also came. Plus tard, les autres vierges vinrent. Sir, sir. Ils dirent, Seigneur, Seigneur. They said. Ils dirent, open the door for us. Ouvrez-nous. Verse 12. Verset 12. But he replied. Et il répondit. I tell you the truth. Je vous l'ai dit en vérité. I do not know you. Je ne vous connais pas. Verse 13. Verset 13. Therefore keep watch. Veillez donc. Because you do not know the day or the hour. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. What is the Lord saying to the Church of Christ in France? Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église de Christ en France? When he presented the golden clock, quand il a présenté l'horloge en or, the clock that is 1 minute to midnight, l'horloge nous il y a 1 minute avant minuit. In my Bible, these writings are in red. Dans ma Bible, ces écritures sont en rouge. These are the words of Jesus himself. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. In other words, he begin to say, en d'autres mots, il commence à dire, that when it comes to the midnight hour, quand l'heure de minuit arrive, God Almighty in heaven, Dieu tout puissant dans les cieux, He commands everybody. Il commande à tout le monde. To make sure, d'être sûr, that they stay awake, qu'ils restent réveillés. Verse 5. Verset 5. He says. Il dit. When the midnight hour is near, quand l'heure de minuit approche, there is a tendency for the church to go to sleep. Il y a une tendance pour l'église d'aller dormir. Sleeping. S'endormir. Drowsy and sleepy. Assoupi et endormi. Do you know what drowsy is? Vous savez comment être assoupi? Normally when it's 11 p.m. quand il est 23 heures, you are having a conversation with people. Vous parlez avec les gens. And some of them. Et certains d'entre eux commencent à sommeiller. They are drowsy. Ils commencent à s'assoupir. And he's warning the church in France. C'est en train d'avertir l'église en France. That hey! Il dit là, hey! Be careful now. Faites attention maintenant. When it comes to the midnight hour, quand c'est l'heure de minuit, there is a tendency for people to be tired of waiting. Il y a une tendance pour les gens d'être fatigués d'attendre. Because he says, parce qu'il dit, the bridegroom was long time in coming. L'époux tardait à venir. And so they all became tired, became drowsy, fell asleep. Alors ils devenaient tous assoupis, commençaient à s'endormir. He says, watch out from being sleepy. Il dit, réveillez-vous, veillez afin de ne pas dormir. And yet we know, et alors nous savons, in Matthew chapter 13, dans Matthieu 13, verse 24 onwards, à partir de verset 24 plus bas, that every time the church goes to sleep, que chaque fois que l'église va pour s'endormir, the devil always comes and sows bad seed. Le diable vient toujours et sème la mauvaise semence. In the church. Dans l'église. Homosexuals now come. Les homosexuels maintenant viennent. They hold, you say you want to pray for people. Tu veux prier pour les gens? You see them also holding hands coming. Tu vois qu'ils viennent aussi en train de tenir la main. Pastor, you must bless our marriage. Et il dit, pasteur, tu dois bénir notre mariage. And you say, but such a thing is not accepted here. Et tu dis, mais si une telle chose n'est pas acceptable ici. Some pastors cannot even say such a thing. Même il y a des pasteurs qui ne peuvent pas voir cette chose-là. Some of you pastors even fear. Même il y a certains pasteurs qui ont peur de cela. I don't know which God you serve. Je ne sais pas quel Dieu vous servez. I don't know whether you serve the God of Israel, the one I serve. Je ne sais pas si vous servez le Dieu d'Israël, celui que je sers. The one who says there is going to happen here, it happens there. People die. C'est lui qui dit qu'il y aura un tremblement de terre là-bas et puis un tremblement de terre et puis les gens meurent. So, if you say something, they might sue you. Non, ne dis pas une telle chose, ils vont t'arrêter. I said homosexuality is a sin. Je dis que l'homosexualité est un péché. If God is going to judge you, repent. Dieu est Dieu, il va vous juger. Repentez-vous. Because the church went to sleep. Parce que l'église est partie s'endormir. Everybody ran in there to claim right. Tout le monde court là-bas pour réclamer des droits. Bad seed has been sown. La mauvaise semence a été semée. In Spanish, they say semilla mala. En espagnol, on dit semilla mala. And it is growing and competing with the church. Et cette mauvaise semence grandit et commence à avoir la compétition avec l'église. And today when you see the church, she is really sleeping in France. Et quand vous regardez l'église aujourd'hui, en fait, elle est en train de dormir ici en France. In France especially, she really likes to sleep. En France, spécialement, elle aime dormir. She sleeps so well in France. Elle dort très bien ici en France. In verse 6. Au verset 6. You see the cry ring out. Vous entendez que le cri retentit. Here is the bridegroom, come out to meet him. Voici l'époux, venez à sa rencontre. And what do you see? Et ce que vous voyez? God now talks about two types of churches. Maintenant Dieu parle de deux genres d'église. One type of church, un type d'église, is typified by the five foolish virgins. Est typifié par les cinq vierges folles. The other type is represented by the five wise virgins. L'autre type d'église est représenté par les sept vierges sages. And you see that the foolish virgins, et vous voyez que les vierges folles, when they receive salvation, quand elles ont reçu le salut, and you know when you receive salvation, et quand vous recevez le salut, the lamp is lit. La lumière est allumée. The lamp in your heart is lit. La lumière dans votre vie est allumée. And the light of God begins to light in your life. Et la lumière de Dieu commence à éclairer votre vie. And that's why the Bible says. C'est pourquoi la Bible dit. He says in the book of John chapter 8 verse 12. Il dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. And he says in Matthew chapter 5 verse 14. Il dit dans Matthieu 5 verset 14. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. Because when you receive the Lord, He lights up the lamp. Parce que quand vous recevez le Seigneur, il allume la lumière en vous. But the five foolish virgins, when the lamp was lit, they forgot to take the oil. Mais les sept vierges folles, quand elles ont reçu, elles ont oublié de prendre l'huile. Eh? They forgot to carry the jar of oil. Elles ont oublié de prendre le vase d'huile. Yeah? And they went out to wait for the bridegroom. Elles sont allées attendre l'époux. But the five wise. Les cinq étaient sages. If I were you, I would not learn the word wise. Si j'étais vous, j'allais souligner les mots sages. And the five wise. Les cinq étaient sages. They took the jars of oil. Elles ont pris les vases d'huile. And they all went out. Elles sont parties ensemble. But what is amazing to me? Qu'est-ce qui est étonnant pour moi? Is that God is sending me to France to tell you. Que Dieu m'envoie en France pour vous dire. That when the midnight hour is near, quand l'heure de minuit est proche, both the wise and the foolish fall asleep. Que les sages et les folles tombent endormis ensemble. Both of them, it does not matter. Tous ensemble, peu importe lequel. But what matters is this. Et ce qui importe, c'est celui-ci. When a voice appears in France, quand la voix apparaît en France, it's a here in the bridegroom, I've seen him coming, prepare. Il dit, hey, regarde, je vis l'époux, il arrive, préparez-vous. All of them wake up. Tous entrent à se réveiller. And trim their lamps. Et préparèrent leurs lampes. Trimming. Elles préparèrent leurs lampes. But there is a difference. Mais il y a une différence. The wise. Les sages. They have oil. Elles avaient de l'huile. And that's the time. C'est ça le temps. They realize that because there is pitch darkness, the darkness is greater. Parce que les ténèbres sont très grandes. And so the light they used to have, which was good, is not good anymore. Alors, les détails de lumière qu'ils avaient n'est plus bon à cette heure-ci. Then at that time, alors à ce temps-là, they realize, oh, ils ont réalisé, oh, I need some external help. J'ai besoin d'une aide supplémentaire. Because now there is so much pressure on this lamp. Parce qu'il y a beaucoup de pression sur cette lampe maintenant. And they take the oil. Ils prennent l'huile. And then all the power now in the lamp. Alors ils ont versé dans les lampes. And the oil begins to drive the light. Alors l'huile a commencé à augmenter la lumière de la lampe. Because now you need a brighter light. Parce que maintenant vous avez une lumière qui brille plus grandement. But the foolish virgins. Mais les vierges folles. They ask, please, they are borrowing. They are busy borrowing oil. Elles sont occupées à emprunter de l'huile. Please give me some of yours. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de votre huile. Let me kneel down, so you just put a hand on me. Je vais juste imaginer, tu vas mettre la main sur moi. And ask him to give me just half of yours. Donne-moi même la moitié de ce que tu as. And then the wise virgin said. Alors les vierges sages ont dit. Nope. No, you go and buy some for yourself. Vous allez en acheter pour vous-même. And what surprises me, et ce qui m'a le plus surpris, is that for sure, sûrement, the foolish virgins, les vierges folles, they really went to buy oil. Elles sont en fait parties pour acheter de l'huile. Who can buy the Holy Spirit? Qui peut acheter le Saint-Esprit? They went to the shop. Ils sont partis à la boutique. And that's what you see in Kenya today. C'est ce que vous voyez au Kenya aujourd'hui. They used to go in the crusades because the bishops, the corruption. Parce qu'ils avaient tout à l'heure la parole parce que les bishops avec la corruption. They make 10,000 small bottles of oil. Et 10,000, une petite bouteille d'huile comme ça. And they sell each one at 1,000 shillings. Ils vendaient chaque bouteille à 1,000 shillings. So you see a long line of people. You come, you put your 1,000 and take one bottle. Et tu vois une ligne de personnes. Tu donnes 1,000 shillings, tu prends ta bouteille d'huile, tu t'en vas. The church for sure went to buy oil. Oui, l'église a fait des parties pour acheter de l'huile. We know that oil is the Holy Spirit God is talking about. Nous savons que l'huile ici dont Dieu parle, c'est le Saint-Esprit. And today they are calling television programs. Maintenant, aujourd'hui, ils appellent les chaînes de télévision. That's item number Q135. C'est la chose, c'est le terme de Q95. The special offer for tonight. L'offre spéciale ce soir. That is $25 each. C'est $25 chaque. Send me to, I have $50. J'ai $50, envoyez-moi deux. I want a double portion of the anointing. J'ai besoin d'une double portion de l'onction. The church is busy buying the anointing of the Holy Spirit. L'église est occupée d'acheter l'onction à la télévision. Some of them are buying prayer mantles, prayer shawls. Il y en a qui achètent des châles de prière. That if you put on you, the anointing will come. Et quand tu vas mettre ce châle sur toi, l'onction va venir. I am very surprised. Je suis vraiment surpris. That the foolish church. That today's foolish virgins, les vierges folles aujourd'hui, they have actually went to buy oil. Elles sont en fait allées partir acheter cette huile-là. And what amazes me, let me give you revelation in the word. Laissez-moi vous donner la révélation de la parole. I don't know how you read the word, but I want to tell you this. Je vous dis ceci. You see that when the foolish virgins go to buy oil, vous voyez que quand la vierge folle va acheter de l'huile, then all of a sudden, the Messiah has arrived. Et puis soudainement, le Messie arrive. And now when you watch everywhere, when you go to churches, they are busy buying. Et quand vous allez dans n'importe quelle église, ils sont occupés pour acheter. That means any moment now the Messiah arrives. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment maintenant, le Messie va arriver. But what amazes me, ce qui m'a étonné, they really came back with oil that they have bought. Ils sont même revenus avec les huiles qu'ils ont achetées. So open for us. Donc, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Burning fake oil. Amenant de l'huile qui est fabriquée. Burning fake oil. Brûlant l'huile qui n'est pas de la même qualité que celui des yeux. Burning fake oil. Amenant de l'huile qui est de mauvaise qualité. Burning oil that is not true. Amenant de l'huile qui n'est pas vraie. Does that tell you? Est-ce que cela ne vous dit pas? That at one time, qu'à un moment donné, both lamps were burning in the church. Que les deux lampes brûlaient dans l'église. The false tongues were going on. Il y avait des fausses langues qui continuaient à aller dans l'église. While the Holy Spirit enabled tongues were going on. À un même moment, les vraies langues du Saint-Esprit aussi étaient dans l'église. At one time, the false prophecies were going on. À un moment donné, les fausses prophéties étaient dans l'église. And then the true prophecies of God were going on. Et les vraies prophéties de Dieu étaient aussi là. That's why you can invite two people in one church. C'est pourquoi vous pouvez inviter deux personnes dans une église. And one person will come to the church and say, une personne dans l'église dira, and say, you know, the Lord says he loves you so much, he's going to bless you tremendously. Il dira, les uns vous aiment beaucoup, il va vous bénir, il va vous bénir. And another one will come. L'autre viendra. And say, why is it that I'm preaching and somebody is smoking here? Il dira, pourquoi est-ce que je prêche et puis quelqu'un qui fume de l'autre côté là-bas? Why is it that I can see a young man or a girl and they are in the worship team? Pourquoi est-ce que je vois qu'il y a un jeune garçon qui a rencontré une jeune fille alors ils sont dans la chorale? This is what the Lord says, repent from sin. C'est ce que le Seigneur dit, repentez-vous de ces péchés. How can the same Holy Spirit give two messages? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut donner deux messages différents? He has sent me to France. Il m'a envoyé en France. To make you understand the following about the midnight clock. Pour vous faire comprendre ce qui se fait à l'heure de minuit. He has sent me to France. Il m'a envoyé en France. To make you understand the following about the golden clock. Pour vous faire comprendre ce qui se fait au sujet de l'heure de minuit, l'horloge. Number one. Premièrement. That you may know. Afin que vous sachiez. That the difference between the foolish church and the wise church. La différence entre l'église folle et l'église sage is the jar of oil. C'est le vase de huile. That only the church that receives the Holy Spirit will enter. Que seule l'église qui va recevoir le Saint-Esprit qui va entrer. In other words, he has sent me to tell you, please receive the Holy Spirit. En d'autres mots, il m'a envoyé pour vous dire, s'il vous plaît, recevez le Saint-Esprit. In other words, he has sent me to announce in France. En d'autres mots, il m'a dit d'annoncer ici en France. That the dispensation has arrived. Que la dispensation est arrivée. For the Holy Ghost revival. Pour le réveil du Saint-Esprit. Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Revival. Le réveil du Saint-Esprit. In other words, we begin to understand that Joel's dispensation is here. Alors nous commençons à comprendre que la dispensation de Joël est ici. When the power of the Holy Ghost, la puissance du Saint-Esprit, I mean, he healed so many we cannot pick them all. Je dis qu'il guérit tellement de personnes qu'on n'a pas le temps de prendre tous les témoignages. He is restoring the church. Il est en train de restaurer l'église. He is removing shame from the church. Il est en train d'enlever la honte de l'église. It I announced from Toronto that when we arrive in the field, he will cause me to command heaven to open and rain will fall. Et je parle dit à Toronto que quand on va arriver sur le terrain, il va me permettre de commander au ciel et la pluie va tomber. 1 month before, right? Un mois avant, n'est-ce pas? Yes. And when we went to it was Eldama Rabin. Et nous sommes allés à Eldama Rabin. Yes. And the Holy Ghost revival. Le réveil du Saint-Esprit. What is the Holy Ghost revival? C'est ça le réveil du Saint-Esprit. And he's winning people's hearts. Il est en train de gagner le cœur des gens. They come to Jesus by millions. Il vient à Jésus par millions. I have come to announce to you. Je suis venu pour vous annoncer. That for many years. Que pendant plusieurs années. You have not even prayed to the Holy Spirit. Vous n'avez même pas prié au Saint-Esprit. You have not even worshipped the Holy Spirit. Vous n'avez même pas adoré le Saint-Esprit. You have not even knelt down and spoke to the Holy Spirit. Vous n'avez même pas achevé et parlé au Saint-Esprit. Some of you don't even know where to put him in your prayers. Même parmi nous, vous ne savez pas dans quelle position il est dans votre prière. But time has come. Mais l'heure est venue. When you cannot ignore him. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Only him. Lui seul. Has been given authority. A reçu l'autorité. And power. Et la puissance. To prepare the bride of Christ. Préparer l'épouse de Christ. Receive the Holy Spirit. Recevez le Saint-Esprit. Pastors preach the Holy Spirit. Pasteur, prêchez sur le Saint-Esprit. And you know when you preach, they will be touched. Et quand vous allez prêcher, ils seront touchés. He will baptize them. Il va les baptiser. God is faithful. Dieu est fidèle. Don't go and buy. Ne va pas acheter. Just ask. Demande seulement. And he will give to you. Il va te les donner. It was a promise from the Father. C'était la promesse du Père. You don't need to pay $50 to get it. Vous n'avez pas besoin de payer $50 pour le. They are busy buying the Holy Ghost. Ils sont occupés à acheter le Saint-Esprit. Who can sell the Holy Ghost? Qui peut vendre le Saint-Esprit? Who can buy the Holy Ghost? Qui peut acheter le Saint-Esprit? To tell you the truth. À vous dire la vérité. I don't know you. Je ne vous connais pas. But what amazes me. Ce qui m'a étonné. Is verse 10. C'est le verset 10. Because it says, but while they were on the way to buy oil, the bridegroom arrived. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. And the virgins who were ready went in with him into the wedding banquet. C'est qu'il était prêt à entrer avec lui dans la salle des noces. And he says, et dit, and the door was shut. Et la porte fut fermée. Genesis chapter 7, verse 16. Genèse chapitre 7, verset 16. This is what he says. Genèse 7, verset 16. He says the animals going in were male and female of every living thing. Il est dit, il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné. As God commanded Noah. Comme Dieu avait ordonné à Noé. Then the Lord shut him in. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Then the door was shut. Alors la porte fut fermée.